La radio sud-coréenne KBS du 14 courant fait savoir que l'université Meiji du Japon a aménagé un salon des données historiques à l'ancien bâtiment de l'Institut technique de l'armée de terre qui reste dans le campus, dévoilant ainsi les crimes de guerre bactériologiques de l'impérialisme japonais. Cet institut avait étudié et fabriqué d'innombrables armes bactériologiques, gaz toxiques et poisons, ivoire, contrefaits même des billets, selon les ordres des supérieurs de l'ancienne armée japonaise. Il avait conçu également une opération secrète consistant à attaquer l'adversaire d'armes bactériologiques au moyen de plusieurs milliers de ballons de grande dimension. En mai 1944, le Japon avait effectué des essais de contamination en plein air autour de l'Institut de l'hygiène du bétail domestique à Busan, près du gouvernement général coréen.